it's the world that I live in. The world that I live in. À 22 ans, ça continue donc je te raconte la suite. Trop de questions dans ma tête face à tout ça. J'ai envie de prendre la fuite mais je combats. Je tombe pas car là je t'en fais le constat. Je fais pas le scarla mais mon destin voudrait qu'on se tape. Et je constate qu'il faut se forger plus qu'un mental de faux. Vu qu'on commet tous des fautes et que c'est plus simple d'accuser les autres. Moi je les assume donc assumer les vôtres. S'amuser c'est drôle, faut assurer les rôles pour rassurer les nôtres. Calculer mes proches, ça prend du temps quand je batte le sablier. C'est là que je me rends compte de toute la salive que j'ai gaspillée. Pas de pitié, j'ai fait le tri. Ma liste noire a pris de l'ampleur, la jette à la déchetterie. Car j'ai l'esprit rempli de rancœur, chacun ses peines, mais n'insinue pas qu'on est tous des faibles. Car on veut tous réussir et briller comme la tour Eiffel. C'est pour mes frères si je me casse la tête à chaque texte. Obligé de faire un constat pour pas finir à la casse-tête. Mon cœur balise un peu plus tard car je réceptionne une déception. Quand je réalise que j'ai perdu bien plus qu'une femme d'exception. Je veux percer le son car pour l'instant c'est ma seule perception. Trouver l'inspiration pour gratter mes rimes à la perfection. Qui peut juger mes sons, c'est évident que c'est le République. Haineux comme les Français qui niquent le président de la République. Y'a rien de pudique quand je vois des gamines faire les lobes, ça. La seule chose qu'elles attendent c'est que tu leur dises vas-y tiens cop ça. C'est lamentable mais moi je te décris juste ce triste décor. Le monde court à sa perte, dis-moi comment veux-tu que je dise de l'espoir. Une crise d'effort qui nique le sport et qui nous anéantit. Vas-y crie le plus fort et dis que c'est gore car les années s'empireront, s'accroche à nos rêves pour tenter d'éviter la vérité. La plupart des gens tirent la gueule, ouais. Si tu me crois pas, viens vérifier. J'ai pas choisi mes défauts, si tu piches pas, ben barre toi. J'en ai marre, quoi, de supporter les sourires narres, quoi. It's the world, that I live in. Le mauvais œil me guette et je me demande bien comment je vais lui faire face. Mec, je prends des résolutions et je n'attends pas que l'hiver passe et qu'il serait passé. Tu serais pas content si tu kifferais pas. C'est triste à dire, mais je me sens bien mieux quand j'ai fri. Tu me quitterais de pas, je m'arrête pas dans ma lancée pour éviter que les conneries naissent. Amour, fais-le avancer. Mais faut vestir la conne qui blesse. Y'a plus de politesse et je ne te dis, on nique ta mère. Ok, protège ton dos car les rumeurs se répètent pire qu'un perroquet. Ça parle beaucoup, c'est bien, mais dans le fond, je vois aucun argument. Dégoûté par l'humain comme une putain, t'en as marre du gland, les gens stressent. Se marche dessus pendant que je reste pépère. Je désespère, le reste espère pendant que le reste espère. Yeah. La folie règne, mais n'aie pas peur, sinon là ça devient embêtant. T'agonise, frère, faut pas que tu meurs. Dis-leur que t'as un empêchement. Ma clevis traîne, jette les valeurs dans le marécage ou dans les temps. Face au système, je suis décalé comme un rappeur, pas dans les temps. That I live in.